bouteille par ici. Asseoir, on fait ça vite. On gagne le paradis. Encore deux, trois verres pour savoir si les anges ont les yeux bleus, si le taxi du bon Dieu est une Chevrolet de l'année. Amène la bouteille par ici. À soir, on fait ça vite. On gagne notre paradis. Encore deux, trois verres pour savoir si le bon Dieu dans les cieux est capable de nous reconnaître avec la boucane dans les yeux. C'est beau, y'a même pas de musique, puis tout le monde danse. C'est plein de femmes et d'espérance, et le waiter est en amour. C'est beau, voir le monde courir après la chance. Le carrousel est en vacances, les chevaux sont sous et tournent toujours. Je dis que ça tourne, il se t'assoit. Oh oui. Ramène tes souvenirs en arrière. À soir, on se laisse pas faire. On devient des héros. Encore deux, trois verres, tu vas voir, le bonheur est pas trop haut. Le bonheur est sur la terre, ils l'ont dit à la radio. C'est beau, la fille qui me regarde depuis tout à l'heure m'envoie des tatas dans le cœur pendant que son chum compte son argent. Oh, c'est beau, j'ai le goût de lui écrire un roman. J'ai le goût d'y dire entre deux verres que je vaux bien plus que ce que j'ai de l'air. En tout cas, à soir. À soir, on est l'élite, on revire nos côtes de bord. Encore deux, trois verres, tu vas voir, la doublure est en satin, on aura l'air des millionnaires, assis sur nos bottes de foin. C'est beau, y'a des belles couleurs dans le bar salon. C'est plein de cravates et de vestons, et le gérant est tellement généreux. Oh, c'est beau, que c'est qu'on fait ici, dis-moi les dons. Coup parti, dis-moi ton nom, puis dis au gars là-bas avec le crayon de ramener la bouteille. Oh, de ramener la bouteille. Oh, de ramener.